Nasby. J'rappe tant droit corps en fonction de l'humeur de ma tessie. En pleine bavure policière, mec, criminel est mon style. Véridique et ma musique, tu vois que Nesby a mûri. J'arrive chargé comme si j'en tête chez l'armurerie. Toujours sur le terrain, les boîtes rapportent pas de sous. Si le bitume serait du sky, alors qu'il est, je serai sous. Malgré tout, je suis discret, à ce qui paraît, je suis sur écoute. L'argent veut me serrer, qu'ils viennent me checker les couilles. Des négros qui donnent la boule, je vois que ça à l'horizon. À force de rêver du million, ils ont perdu la raison. Donc la dose, on avance seul, en première ligne de front. Ma gueule, tu nous reconnais, casquette posée sur le front. Nous compare pas avec ton équipe, toi et ton rap de merde. Confond pas les vrais défauts, c'est comme le pétrole et le caramel. Mec te test endurci, à force de bouffer la gamelle. Faut que je fasse ma part de billets comme truand de la galère. Si t'entends qu'un keuf m'a payé, c'est que c'était avec ses larmes. Avec eux, c'est la guerre, on a donc on augmente les drames. C'est une élan pour la localité, avec le bras, doit se connecter. Sur ce mort, c'est plus un feat, mais du maniement, du zil et bière. Provisaire au keuf, sound, foulard et d'essence. Faire affaire avec les bleus, même pas une seconde, j'y plan sur loin. On les calcule pas, la vie est pris à contre-sens. Rien à foutre de leur débat, c'est sur leur langue qu'on tape des pas. Avant que le mafie, un syllabi, et c'est parti. M.A.M.A. dit reviens au fort, j'ai Charles Chromie. Comme promis, sodomise, hip-hop et R&B. Nous c'est 100% rap de tes symphonies. Tu connais le Nesby, c'est le patrimoine du bon char dans nos tessis. Demande à Nesby, on est des yens une fois que c'est la nuit. Ça tourne en rond, ça pue, ça cherche le bon moment. Pour Géchard sec, capuche, casquette. Si ça y est, machette, on t'achève sur but ou cassette. Rien à foutre de la jet set, nous c'est ravage, c'est sur. Wesh les putes, ça raconte quoi comme vous l'entendez? Je vais encore hâte, si je sors le cri, vous allez crier tous en même temps. Comme une chorale, c'est hardcore à la tête. Ça pèse dans tous les sens du terme. Les escrocs tiennent un carreau sur le crédit quand ils mettent des carottes. Si ta bécane nous plaît, Bélec, on pourrait te la prendre. À part la hurle, la débrouille des touillous qui pourrait te la prendre. Ça c'était un petit texte sans s'exciter. Tu te reconnais dedans car on vit pareil à la cité. On n'a pas de solution que des problèmes. L'État nous baisse, nous malmène. Pas à pas faut qu'on progresse. Mis à part qu'on est des nègres, les mairies, les MJC nous font que des promesses. Rares elles sont réalisées parce qu'on est des maîtres de test. Tout dans mon check, check les frères. Reste un jour avec nous, tu repars avec un goût amer. Nos frères tombent, nos mères pleurent. Et la douleur reste dans nos cœurs. Ils disent que le savoir est une arme, mais j'ai plus de munitions. Facilement j'ai cédé au charme du chétan. Sans faire attention, sans faire attention. On vise tous le million en esquivant la prison. C'est mort, ça y est, c'est rêve de frères trop déterminés. Nique les condés, on les met à quatre pattes, les petits pédés. C'est toujours la même dans nos cités. Les petits refs sortent les pécanes cagoulées. Les fils de fachos se font tous victimer. Tous les mecs bien se sont fait buter. C'est pour les bonhommes qui donnent de la thune à leur daronne. C'est pas